L'actualité à Nancy et ailleurs. Le foyer rural de Tantonville et l'association au jardin de la Zabelle proposent un nouveau ciné-débat. Ce sera le dimanche 9 octobre à 15h à la salle des fêtes de Tantonville autour du documentaire de Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies. Isabelle Hameau, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes présidente de l'association au jardin de la Zabelle et ce rendez-vous donc est l'occasion de découvrir votre association qui est installée à Bulligny, hein, c'est ça ? Oui. Et sur votre page, vous nous proposez de partir ensemble à la recherche du bonheur, de la liberté. Dites-nous tout sur cette association. Alors, en avril 2017, pour différentes raisons personnelles et non personnelles, on invente dans mon jardin un micro-événement qui s'appelle tout de suite « Rencontre d'écologie humaine ». Parce que je suis du métier du bien-être et que je souhaite réunir des gens qui prennent soin d'eux-mêmes et qui prennent aussi soin, bien sûr, de leur environnement. Et l'écologie humaine, c'est ça. C'est-à-dire, ça considère votre corps comme le premier écosystème dont il faut prendre soin. Et après, si à l'intérieur de vous, tout va bien, alors vous pouvez interagir sur tous les items de la transition écologique, tels que les a décrits Rob Hawkins, évidemment, agriculture, maraîchage, mais aussi éducation, transport, habitat, mobilité, climat, monnaie, etc. Donc ça naît dans mon jardin, d'où l'appellation, on se structure en association dès 2018, et le nom vient tout de suite au jardin de la Zabelle. Mais il n'y a rien dans mon jardin, on fait de l'événementiel, même si on n'est que des bénévoles amateurs, pas du tout professionnels de l'événementiel, on est juste des citoyens, on va dire engagés, quoi. Et en 2019, on a la chance, la joie audacieuse de la part du conseil départemental d'être invité à rentrer dans la programmation de la Cité des paysages à la colline de Sion. Et donc, depuis 2019, 2020, 2021 et là, 2022, voilà, nous sommes dans la programmation de la Cité des paysages pour ces fameuses rencontres d'écologie humaine. Et que proposez-vous alors lors de ces rencontres sur la Cité des paysages ? En gros, c'est un week-end avec que des acteurs de la transition écologique que je démarche ou qui maintenant viennent à nous parce que c'était la 7e édition là, fin août. Donc voilà, petit à petit, il y en a qui ont entendu parler du Jardin d'Isabelle et qui maintenant me sollicitent. Mais au début, c'était j'allais vers les gens. Et l'idée, c'était de réunir, de créer un réseau, mais pluriprofessionnel, et aussi de milieu rural. Parce qu'en milieu citadin, on a assez rapidement et assez facilement les praticiens, les commerçants, les entreprises, etc. En milieu rural, de fait, de simplement les distances kilométriques entre les villages et entre les gens, les renseignements passent moins, il faut se déplacer, on ne connaît pas toujours qui fait quoi, etc. Donc voilà, pendant 2 jours, et là cette année on s'était même étalé un petit peu plus, il y a un marché de producteurs, des ateliers d'expérimentation, parce que pour certains, certaines pratiques en particulier, soit corporelles, soit genre textile zéro déchet, le mieux c'est de faire et de discuter après. Des conférences ou tables rondes, enfin différents formats, et toujours des expositions de pratiques artistiques, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on a entendu il y a 2 ans, l'art est essentiel. Alors votre actualité, eh bien, c'est ce rendez-vous à Tantonville avec ce ciné-débat autour d'un documentaire, celui de Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies, qui a été fait suite à un livre de cette même Marie-Monique Robin. Expliquez-nous comment ce rendez-vous s'est créé justement. Eh bien, justement, il y a 2 ans, Marie-Monique Robin a été notre invitée d'honneur. Elle est venue présenter un autre film, évidemment, Nouvelle Cordée. Elle est réalisatrice de films, mais surtout journaliste d'investigation. Elle avait travaillé sur les entreprises à but d'emploi. Et nous, on a la chance à Bulligny d'avoir une entreprise à but d'emploi, qui est une des 10 expérimentations du niveau national lancées, je crois, il y a 5 ou 6 ans, qui s'appelle La Fabrique. Et donc, Marie-Monique Robin accepte de venir et projeter le film et répondre aux questions des spectateurs. Et bien sûr, une séance dédicace. Et quand elle arrive chez nous pour cet événement, donc on est à la Cité des paysages à Sion en juillet il y a 2 ans, et en fait, elle me dit, est-ce que je peux avoir, en attendant, un petit bureau pour finir ? Je suis en train de finir d'écrire un livre. Et donc, on échange comme ça, en off, quoi, toutes les deux. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Elle me dit, je dois boucler pour mon éditeur, c'est sur la fabrique de pandémie. Ben, c'était complètement visionnaire. Donc, sa démarche, c'était d'interroger entre, je sais plus, 60, 70 scientifiques de haute volée du monde entier sur le lien entre l'effondrement de la biodiversité, l'éclatement des zoonoses en tout genre, puisque le Covid est un parmi d'autres, et la responsabilité humaine. Et après, quelle projection dans l'avenir, quoi. Donc elle bouclait ce livre-là. Et ensuite, elle a choisi de ce livre-là le mettre en image. Donc elle décide, une fois qu'elle les a eus vus par Zoom et en visioconférence, etc., d'aller les voir dans leur pays, sur leur terrain, donc partout, ils étaient Asie, Afrique, Amérique, etc., et d'en faire ce film où Juliette Binoche, qui est la comédienne que tout le monde connaît, a sollicité elle-même Marie-Monique Robin d'être un peu ce qu'on appelle la candide, c'est-à-dire, j'y connais rien, je sais pas ce qui se passe, expliquez-moi, mais l'immense talent de Marie-Monique Robin, c'est d'avoir mis, et dans son livre, et certainement dans son film, mais je ne l'ai encore pas vu, à la disposition de chacun des connaissances de scientifiques, donc de prestige, de renommée internationale, mais pour que vous et moi, en tout cas moi en tout cas, le comprenons. La fabrique des pandémies, donc ce sera à voir le 9 octobre à la salle des fêtes de Tantonville, avec bien sûr la présence de Marie-Monique Robin, qu'on pourra échanger à l'issue. Alors, pas Juliette Binoche, la réalisatrice sera bien là pour échanger avec le public. Voilà, donc le film dure, je sais pas, 1h30, je sais plus exactement. Il y aura une question-réponse ensuite et bien sûr une séance dédicace, puisque voilà, ça fait partie du petit concept Jardin de la Zabel. Jocelyne Chenu, qui est la libraire de Toul, une petite libraire indépendante, assurera l'approvisionnement en ouvrages. Il y aura pas que la fabrique de pandémie, puisque voilà, elle a écrit de nombreux ouvrages, Monsanto, le Roundup. Ça fait 30-40 ans qu'elle est sur tous les terrains et qu'elle défend la pérennité de notre biodiversité avec la grosse responsabilité entre l'humain et la nature en général, quoi. Exactement. Donc, on note cette date du 9 octobre. Est-ce qu'il faut prendre réservation sa place? Oui, absolument. Absolument. Donc là, sur notre page Facebook, le lien pour réserver une place, c'est 2 euros la place. Attention, il y a une jauge que de 100 places. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Et on est quand même très, très fiers. J'ai encore envie de dire que... Alors, d'abord, le Jardin de la Zabel remercie immensément Alexandre Galland, président du foyer rural de Tantonville, d'avoir accepté d'organiser ça, parce que nous, on n'a pas forcément la même disposition matérielle que lui. Donc, c'est vraiment une grande joie d'interagir avec lui. Et une immense joie aussi d'être à Tantonville, qui est quand même un petit village du Saintois, parce que la première du film, La fabrique de pandémie, a eu lieu à Paris, à l'UNESCO, en avril dernier. Et donc, depuis, Marie-Monique Robin court dans toutes les salles de France, d'Europe, et elle est même allée jusqu'à Atlanta, en Amérique. Donc, c'est quand même une ultra grande fierté pour le Saintois, les Tantonvillois et les Lorrains que nous sommes, de recevoir quelqu'un de prestigieux qui a un discours, attention, qui décoiffe un peu quand même. C'est des gens qui disent, attention, là, c'est urgent de changer vraiment à 180 degrés. Quoi. Merci beaucoup, Isabelle Hameau, donc présidente de l'association Jardin de la Zabel, donc le dimanche 9 octobre, cette projection La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin. Merci encore. Merci Fadjet. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.